Voyagez avec Air France, airfrance.fr et au 3654. Ou bien dans vos agences de voyage habituelles. Pas d'incendie chez moi. Le mode d'emploi. À partir du 8 mars 2015, tous les logements doivent être équipés d'un détecteur de fumée. On écoute la question de Laurence, 47 ans. Que faut-il faire pour entretenir un détecteur? C'est compliqué? La réponse de Jean-Claude Bréja, président du GIFSID, syndicat en charge des détecteurs de fumée domestiques. Alors, le responsable de l'entretien du détecteur, c'est l'occupant du logement, qu'il soit locataire ou propriétaire. Pour entretenir un détecteur, c'est très simple. L'utilisateur ne peut que nettoyer la surface extérieure du détecteur à l'aide d'un chiffon humide et puis de temps en temps passer un coup d'aspirateur pour dépoussiérer l'intérieur du détecteur puisque la détection se fait dans la chambre de mesure qui est à l'intérieur du détecteur. Un ou deux nettoyages annuels me paraît suffisant. Alors, pour vérifier le fonctionnement du détecteur, vous avez toujours un bouton test sur détecteur. On préconise au moins deux fois par an. La vérification de la pile, déjà, elle est automatique dans le détecteur. Et quand elle est déchargée, tous les détecteurs certifiés, vous avez un bip qui vous prévient pendant 30 jours que vous avez à changer la pile. Vous n'avez pas oublié. À partir du 8 mars 2015, tous les logements doivent être équipés d'un détecteur de fumée. Bien équipé, bien préparé, je suis en sécurité. Plus d'infos sur territoire.gouv.fr et conso.net. Aircom FM, le son des tropiques. Hola Myrène, t'es bienvenue sur Aircom FM. Tu nous écoutes sur le 97.6 ou sur le www.radioculture-outremer.net. On est dimanche, il est 16h. Je suis DJ Roulian et tu es dans Fiesta Latina, ton émission latino préférée sur Mars. Au programme de ces deux heures, salsa cubana, salsa dura, bachata, merengue, kizomba et reggaeton. À venir, pas mal de nouveautés qui, j'espère, vont ravir vos petites oreilles. Les infos, stage et soirée. Dimanche 22 mars, stage de Rueda de Casino au Studio Danse 15. Toutes les infos sur le www.studiodanse15.fr. Vendredi 27 mars, vous me retrouverez derrière les platines au loft de la Valentine pour la mensuelle SBK, une organisation Moki événement. Dimanche 29 mars, toujours au Studio Danse 15, rendez-vous pour un training SBK participatif. On s'occupe de la musique et des cours et vous apportez la boisson, l'entrée est gratuite. Et pour clôturer, des nouvelles soirées SBK sur Marseille, au Palais de la Major, les soirées Barrio Mio. Le mardi 31 mars, où j'aurai l'occasion de mixer de la salsa, de la bachata, kizomba, reggaeton et bien d'autres sons latinos. Et quant à nous, on démarre cette première heure d'écoute sans plus tarder avec Michael Blanco y su salsa mayor, avec Una Mulata en la Habana. Suivra un merengue Mr. Jordan en featuring avec Tyra pour Papi Está Loco. Mulata aquí, tengo el mar. día para que tengo todo eso si no estás tú, vida mía. Tengo el mar, tengo la arena, tengo el sol. Ven, que te espero. Yo te quiero y te hago yo. Sin ti me falta todo. Todo eso. Sin ti. Mira que yo te busco porque te necesito. Aparece por favor. Y es que duele mucho sentirse solo. Cuando se quiere se extraña. Yo quiero mi mulata en La Habana. Aunque apuesta lo que cueste. Radio Culture Outre-mer sous les 97.6. Oh yeah. Ay, ay. La mafia musicale Nando Pro Frank en la maleta Mr. Jordan. Dale, dale. Yo voy para abajo. Bien, la... Costa Rica. Papito loco, tú vas pa' un lado, yo voy pa' el otro. Póngame a Costa Rica, papito loco. Hace rato viviendo en un lío, las horas no pasan, no llegas a casa. Dime qué hago, Dios mío. Aunque a veces me parte, aunque a veces me demoro, es que la calle me llama, pero también me enamoro. Tú vas pa' un lado, yo voy pa' el otro. Una mami está rica, un papito loco. Tú vas pa' un lado, yo voy pa' el otro. Una mami está rica, un papito loco. Jordan en featuring avec Tyra et on enchaîne avec le Grupo Extra qui cartonne en ce moment pour une bachata. Le titre c'est Solo Tu. Juste après vous retrouverez Luis Ramirez pour Sabroso Wawango, una salsa dura sur Aircom FM. Only. Hoy te amo más que ayer. Y mañana te amaré más. Grupo Extra y Azurra. Mi piace, mi piace. Solo tú me has enseñado a amar. Only you can make the darkness bright. Solo tú, solamente tú. Solo tú, oh, only you can make this change in me. Porque tú naciste para mí. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only. ¿Quiénes somos? Tu grupo Extra Azurra. I know you like it. Lo que soñé, solo tú, mi linda mujer, por siempre te amaré. Me has logrado enamorar, en ti yo puedo confiar. Este amor nunca se va a terminar. Rafaelito, sácala a bailar. We'll be right back. has hecho un cambio en mí. For it's true, you are my destiny. Al tú tocarme yo puedo entender la magia que hay en ti. You're my dream come true, my one and only you. Only Outre-mer, un seul numéro 04 91 67 10 48. Hoy yo me siento inspirado, les canto mi guaguancó. Salsa dura avec Luis Ramirez et Sabroso Wawango sur RCOM FM. Tu nous écoutes sur le 97.6 ou sur le www.radioculture-outremer.net. On s'enchaîne avec du reggaeton, on se met dans l'ambiance cubana, Osmani Garcia avec Flotanto. Suivra LG Beatskilla avec Safi pour Nobody, une kizomba, c'est sur RCOM FM. C'est parti. Charo Torre, DJ Combos. Demasiada fuerte, la fábrica de éxitos. Osmani García. Tú sabes que yo vivo revoleando, flotando, flotando. Motores fuera de ir regañando, flotando, flotando. Peligro como tiburón cazando, flotando. Boca arriba voy a agua, voy a agua, voy a boca arriba voy a agua. Shopping, a comprarte balsa y tanga pa' floating. La guita del smoking, vamos pa' la shopping. A comprarte balsa y tanga pa' floating. Boca arriba, voy agua, voy agua, voy a boca arriba, voy a o, voy a o, voy a o. Boca arriba, voy a o, voy a o, voy a o. Boca arriba, voy a o, voy a o, voy a o. Tú sabes que yo vivo revoleando, flotando, flotando. marea no siga nadando. A boya te sigue flotando. Que es muy linda nadando de pecho. Dállame la pala, no seas agua mala. Yo sé que a ti te gusta, a ti te gusta lo mal hecho. Cuando chaco a party, tú también me jalas. Tú te ves muy linda nadando de pecho. Dállame la pala, no seas agua mala. Yo sé que a ti te gusta, a ti te gusta lo mal hecho. Cuando chaco a party, tú también me jalas. Boca arriba, boya, agua, boya, agua, boya. Boca arriba, boya. Shopping, a comprarte balsa y ganga pa' flow. Boca arriba, boya, agua, boya, agua, boya. Boca arriba, boya, o boya, o boya. Boca arriba, boya, o boya, o boya. Boca arriba, boya, o boya, o boya. Tú sabes que yo vivo revoleando, flotando, flotando. Motores fuera de poder regañando, flotando, flotando. Peligro como tiburón cazando, flotando. Boca arriba, boya, agua, boya, agua, boya. Bonjour, c'est Alain Chabat, j'écoute Radio Culture Outre-mer, j'écoute le matin en me réveillant, je me réveille assez tôt. J'écoute Radio Culture Outre-mer à midi, quand je mange parfois, et j'écoute en mangeant. J'écoute Radio Culture Outre-mer le soir également, et puis quand je dors pas, ce qui m'arrive très souvent, j'écoute Radio Culture Outre-mer, mais je dors 20 minutes par jour. Engana, mas não sabe. Já vou me sentir mal do menino. Já se primeiro amor, a sua ergada. Love it. Me pensava que me tinha perdido a inspiração. Para escrever letra de amor, mal mudo já na boca. Oh, em ti, mandas te dizer em português. Yeah, baby, tu anha vida, fazer o que é que vou quiser. Onde é que botava tudo que era tempo lá? Usava tu vima, nunca dava tu yap. Um cris com chema, sem choro, me perguntava boas. Sem boca era que esfama, como te estudo já na noite. Só uma apaixona mais, e um prometinha mês. Contigo dá pra ser meu e vou realizar minha desejo. Agora vive em nos vida, se pensar nesse mundo. Nobody love me, I do. You're the only one I need. My life, my life, you. Make me feel like a kid. Nobody loves me. I do. You're the only one I need. In my life, my life, you. Make me feel like a kid. Nobody loves me. Ooh, yeah, I feel the same. Since I'm with you, I'm not the same. And we trust each other, love each other. Since day one, we don't play no game. No. And I'm feeling so lucky to have you by my side. If I had one more day to live, it would be with you that I spend it. Cintinha, poder mágico, pra construir um paraíso pra mim. God, I never felt what I'm feeling for you, baby. Now I'm straight. And I don't need nobody when I'm with you, baby. It's like you complete me. And I swear to God, I never felt what I'm feeling for you, babe. Now I'm straight. And I don't need nobody when I'm with you, baby. It's like you complete me. Nobody love you like I do. My life. LG Beats Killa en featuring avec sa fille pour Nobody. LG Beats Killa qui cartonne dans le milieu de la Kizomba. J'espère que vous avez apprécié ce son. N'oubliez pas que tous les dimanches soirs, vous pouvez retrouver Dédé et toute son équipe au Stendhal de la Valentine. Je salue mes amis Emilio, Dédé, Séverine et bien d'autres comme Ami ou Menjai qui participent très souvent à ces belles soirées les dimanches soirs au Stendhal de la Valentine. Allez, on enchaîne quant à nous avec de la salsa cubana. Je salue au passage notre ami DJ Kali qui mixe tous les mardis soirs au Kubaila Café et le mercredi sur les quais de La Ciotat. On enchaîne avec Alex Matos, Kepena Medas. Juste après, ce sera Coréon Doux pour Bailando Kizomba. Et je salue mon ami Mikhail qui est sur Paris et qui nous écoute très certainement sur le www.radioculture-outremer.net. Allez, c'est parti, on envoie la musique. Yes, the boy Lil Jon getting the crook right now on R-Com FM 97.6. FM baby! FM baby! FM baby! Te daba yo, lo veo en tus ojos, sincera divino, en tu mirada hay dolor por no estar conmigo. Ese por qué me has dejado ni cuenta se da, que lo que sientes por mí no has podido borrar, no ha valido el lujo. 87.6 FM à Marseille. Suéltate, ven aquí a gozar junto a mí. Tu boca me está llamando. Muévete para mí, muévete siempre así. Aprieta fuerte mi mano. Cuando estoy contigo nada, nada está prohibido. Bailando pegados, muy lento a tu lado. Aquí entre las sombras, bailando kizomba, tu cuerpo me nombra, comienzo a sudar. Te mueves en ondas, dibujando formas, bailando kizomba, me quiero quedar. Búscame, tiéntame, al final llévame. Kizomba sur Aircom FM, tu nous écoutes sur le 97.6. Bienvenue à toi si tu viens de nous rejoindre. Tu es bien en Fiesta Latina et je suis DJ Rulian. Allez, je t'envoie les infos à venir pour ce mois-ci. Retrouvez-nous au studio Danse 15, dimanche 22 mars, pour un stage de Rueda de Casino. Ensuite, le dimanche 29 mars, il y aura un training participatif. On s'occupe des initiations et de la musique et tu apportes ta boisson. Toutes les infos sur le www.studiodanse15.fr. Ensuite, vous pouvez me retrouver au mix vendredi 27 mars pour la mensuelle SBK au Loft de la Valentine, une organisation Moki événement. Vous me retrouverez également mardi 31 mars pour les nouvelles soirées SBK au Palais de la Major, les soirées Barrio Mio, encore une organisation Moki événement. N'hésitez pas à la retrouver sur sa page Facebook. Allez, quant à nous, on enchaîne en musique avec une bachata. Sencillamente joué pour No Renunciare a Ti. On poursuivra avec une salsa dura, Orchestra Aragon, El Paso de Encarnación. www.radioculturaoutremer.net. Amor, llegaste a mí. Y eres como un sueño. de la cual no quiero despertar. Gracias por existir y darme esta felicidad. Oigo tu voz en mi mente, veo tu rostro en mi almohada. Escucho tu respiración y tus labios me llaman. Tus labios me llaman. Tú eres el tesoro divino más lindo que he visto. Cada gesto escribe una historia en el libro vivido. Y no renunciaré a ti, porque mi amor me haces feliz. Mi corazón te lo doy a ti. Tú eres todo lo que quiero. De façon que de façon. L'homme qu'on appelle Paye qui écoute Radio Culture Outre-mer sur 97.6. Ça se passe du côté de Marseille. C'est rrrr. La trigueña encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear lo que el conjunto interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien. Se podrá despedir. Fíjate que va a llover y que no puedes correr por lo estrecho del vestido. La trigueña encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear lo que el conjunto interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien, dice tu gran peste, fíjate que va a llover y que no puedes correr por lo estrecho del vestido. qu'elle sera Aragon, El Paso de Encarnación sur Aircom FM. Bienvenue sur le 97.6, la seule radio dans tout Marseille à te diffuser du son latino de qualité. Et quant à nous, on enchaîne avec du reggaeton. Chacal y Yakarta pour Besito con Lengua. Suivra Mika Mendez avec Cadavesh Mice. Vous voulez faire une formation dans le son ? Le CFPMS vous donne cette facilité. Des places conventionnées par la région PACA sont disponibles dans la formation MAO, Home Studio et Sonorisation. C'est le moment de saisir votre chance. La formation est gratuite pour vous. Appelez vite au 04 91 67 20 27. 04 91 67 20 27. Le CFPMS, le son à l'état pur. Aircom FM 97.6. No. Llevo mucho tiempo mirándote. Llevo mucho tiempo observándote. Tú me hechizaste con tu sonrisa. Tengo que confesarte que tú me fascinas. Dame un besito con lengua. Votre radio. Yes, sir. Não vou conseguir não. Tu queres que eu entenda? Não vai ser fácil não. Eu tive que aguentar, aceitar a decisão. Até hoje não senti e vivo essa sensação. Oh baby, cada vez mais eu sinto falta do teu carinho. Cada vez mais preciso de ti pra não estar sozinho. Cada vez mais eu sinto falta do teu carinho. Cada vez mais preciso de ti pra não estar sozinho. Entre nós era tudo o que eu tinha. Emoção entre nós mudou minha vida. E tu queres que eu esqueça? Não vou conseguir não. Tu queres que eu entenda? Não vai ser fácil não. Eu tive que respeitar, aceitar a decisão. Até hoje não senti e vivo essa sensação. Oh babe, cada vez mais eu sinto falta do teu carinho. Cada vez mais preciso de ti pra não estar sozinho. Cada vez mais eu sinto falta do teu carinho. Cada vez mais preciso de ti pra não estar sozinho. Partie dans mon introduction, on a pas mal de nouveautés aujourd'hui sur Aircom FM dans Fiesta Latina. Je suis DJ Rulian et je t'ambiance jusqu'à 18h. C'était Mika Mendes avec Cada Vez Mais. Maintenant, on enchaîne avec une salsa cubana pour Los Supernaturales, Sonríe y Baila. Juste après, ça sera un coup de l'eau, on s'en lance pas dans nos mares avec Lucenzo pour Danza Kuduro. Radio Culture Outre-mer, le meilleur de la musique. Oh oh, sonríe y baila. Oh oh, sonríe y baila. Vuelve a respirar, deje ese lamento y vuelve a cantar. Si hay dinero o no hay dinero, esto no es felicidad. Mejor dame una sonrisa y a bailar. Razones de sobra hay para vivir. Hoy soñar, vuelve a respirar. Deje este lamento y vuelve a cantar. Si hay dinero o no hay dinero, esto no es felicidad. Mejor dame una sonrisa y a bailar. FM, premier sur la musique caribéenne à Marseille. Marseille. Voyagez avec Air France, airfrance.fr et au 3654 ou bien dans vos agences de voyage habituelles. Le meilleur de la musique tropicale sur le 97.6 FM à Marseille. Fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, ambiance ici sur Aircom FM, Don Omar en featuring avec Lucenzo pour Danza Kuduro. Et oui, Aircom FM, la seule radio dans tout Marseille à diffuser du son latino de qualité tous les dimanches après-midi de 16h à 18h dans Fiesta Latina. Je suis DJ Rulian et je vous enchaîne avec une bachata Joey pour tout le recuerdo. Juste après, ça sera une salsa vieja, une salsa de 1972. Oui, oui, oui, le grand Willy Rosario dévuelve mi alegría. C'est parti. Aircom FM sur le net, www.radioculturoutremer.net. Radio Culture, Outre-mer, sur le net. Bonjour. Qué tristeza tan grande, me siento tan solo. desde que tú te fuiste la alegría la ignoro. ¿En dónde está la vida alegre que tenía? Oh, será vidita mía que contigo se fue. Pensaba yo que al irte no me afectaría y que podía olvidarte si me divertía, pero no ha sido así. Porque yo la probé y nada más yo cambié. Devuelve mi alegría. Devuelve mi alegría que contigo se fue. Yo pensaba que me querías, Aircom FM, la nouvelle vague tropicale. Sur le 97.6 à Marseille. que aquí te traigo mi tumbao africano, oh, baila mi hermano, oh, que aquí te traigo mi tumbao africano, oh, baila mi hermano, oh, que aquí te traigo mi tumbao africano, oh, baila mi hermano, oh, que aquí te traigo mi tumbao africano, oh, Salsa Vieira sur Aircom FM. Je pense avoir ravi quelques petites oreilles de danseurs portoricains. Et maintenant, on va faire plaisir aux danseurs de reggaeton avec Jai Alvarez, Quiero Hacértelo en featuring avec Tego Calderon. Juste après, ça sera une Kizomba, Zona 5 en featuring avec Landrick pour Segunda Mao. Salut, c'est Sébastien. Salut, c'est Patrick. Salut, c'est José. Retrouvez-nous tous les dimanches à partir du 7 février de 15h à 16h. Dans l'émission À vos auditeurs. Nous comptons sur votre participation pour commenter le thème du jour. À bientôt. Sur les ondes de Aircom FM 97. Ne manquez pas, samedi 11 avril, la grande soirée antillaise de 21h à 4h du matin avec les groupes Compas du Sud et Étoiles Compas. Le rendez-vous est au Chivas, 97 26 rue François Mauriac, à Marseille dans le 10e arrondissement. Tombola avec un billet d'avion pour les Antilles à gagner offert par Air France. Possibilité de se restaurer sur place. Pré-vente 15€ et 20€ sur place. Pièces en vente au restaurant Le Port-au-Prince 40 rue Saint-Savournet à Marseille dans le 1er à la boutique Les Plaisirs de Marseille, 24 rue de la Palue, dans le 1er arrondissement et à Aircom FM. Info et Reza 04 91 67 20 20 ou encore le 06 98 88 20 27. Aircom FM 97.6. Dale pa' acá, que eres VIP más. No tienes que hacer fila, entra por la parte atrás. Si soy vacilón, es lo que tú buscas. Esta es tu noche, baby. Yo quiero hacértelo pegadito a la pared. La música es nice, así que métele DJ. Dale pa' acá, donde nadie nos vea. Yo te aseguro que si te doy, te quiero hacértelo pegadito a la pared. La música es nice, así que métele DJ. Dale pa' acá, donde nadie nos vea. Seguro que si te doy te va a querer quedarse y yo voy a querer que arranque. Te lo digo porque me he pasado antes. La tuve firme en el bajo y sube. Y uno pretende que no se enchule. Sí, mami, pa' que coja fresco y sude. Si me voy medio pocillo me destruye. Sin careta uno se zambulle. Antes me huía, ahora soy yo el que tienes le huye. Tienes que soltarte, pégate pa' calentarte. No puedes enamorarte porque yo lo que eso fue domingo, llamó lunes 30 veces porque contestando no pude. Con calma, no te apures. A mí me gusta suave, pa' que dure, pa' vacilar. pa' que te cure. No lo pienses tanto, fluye, no disimule. Dale pa' acá, que eres VIP más. No tienes que sufrirla, entra por la parte atrás. Si soy vacilón, es lo que tú buscas. Esta es tu noche, baby. Yo quiero hacerte love. Pegadito a la pared, la música es nada. Así que métele DJ. Dale pa' acá, donde nadie nos vea. Yo te aseguro que si te doy, te quiero hacerte love. Pegadito a la pared, la música es nada. Así que métele DJ. Seguro que si te doy te queda. El negro con el Jay. Jay Álvarez, el dueño del sistema. Anda. Un top of the world music. Decidme todos ustedes. Flow music, la maquinaria. ¿Qué fue? Netty, la mente maestra. Tengo Calderona, Jiggy Records, Jay Soul. De camino para la cima, baby. Radio Culture, Outre-mer, 97.6. Sei, tomo tortas aí, bem. Nem parece segunda mão. Acelera o meu coração. Eu tive déjà vu, já vu, já vu. Me arrepia esse teu som. Qualquer cama vibra com esse corpo. Minha cabeça vira e vê oito. Quando sobe a adrenalina, puxas meu de mão. Galopa, galopa em mim. Mete toda a potência em mim. Só por ver o óleo escorrer esse óleo. E a revisão pra ti é free. Desmonto tudo que é em ti. Da maneira que te monto. Da maneira que te monto. Do geral sei. Toma torta, sei bem. Parece segunda mão. Acelera o meu coração. No mambo, ai, eu quero de novo. Sentir esse teu corpo. Colado, colado ao meu. Colado, colado ao meu. Vou abrir esse motor, tô com a chave de fenda. Bunda sem a vala, vou cair nessa fenda. Que ninguém se ofenda, vou partir esse chassi. Se me cortam uma perna, te sigo tipo Saci. Eu não vejo aqui, ninguém ao nível dela. Não fica bem de Gucci, Gucci fica bem com ela. Prego bem no fundo até acabar a gasolina. Depois abasteço com nitro e adrenalina. Previsão para essa corrida, nós dois, bom clima. Dou-te prioridade, baby, ficas tu em cima. Essa é a fórmula para dar-te uma menina linda como a tua irmã e a que dei a tua prima. Teu ex-piloto mal te tuco, e eu bem que te cutuco. Capoto contigo, meu catuco tuco. Minha voz no teu ouvido e vens dos 0 aos 100. 0 aos 100. Meu combustível em ti, baby, faz-te bem. Do geral sei, toma tortas aí bem. Nem parece segunda mão. Acelera o meu coração. No mambo, ai, eu quero de novo. Sentir esse teu corpo. Colado, colado ao meu. Só pra ver. Colado, colado ao meu. Só pra ver o olho. Tu não tens nada a provar. Bateria tá em dia, não precisa chantar. O doutor disse que há paludismo nesse espaço. Eu e tu, dois por campo. Piso molhado e eu tô sem ABS. Pra escorregar e acidentar nas tuas paredes. Desliga a câmera, live selfie. Sou teu mordomo se o caso for room service. Do geral sei, tô motor da CIP. Nem parece segunda mão. Acelero o meu coração. Outre-mer, un seul numéro 04 91 67 10 48. Aircom FM, c'est aussi de la Kizomba. C'était Zona 5 en featuring avec Landric pour Segunda Mao. On poursuit quant à nous notre écoute musicale avec le Céo Fernandez en featuring avec Michael Fons, ce grand danseur que beaucoup d'entre vous connaissent. Le titre c'est Remeneate.

FM, 100% soleil. Le son des tropiques. Eh bien mes chers amis, il est bientôt 18h, c'est déjà pour nous l'heure de se quitter et comme je le regrette, j'aimerais passer beaucoup plus de temps avec vous. Fiesta Latina de 16h à 18h, c'est tout. Les dimanches, je vous quitte avec les infos. Dimanche 22 mars, vous pouvez nous retrouver pour un stage de Rueda de Casino au studio Danse 15. Dimanche 29 mars, toujours au studio Danse 15, un training SBK participatif. Sinon, vous pouvez me retrouver derrière les platines vendredi 27 mars pour les mensuels SBK au Loft de la Valentine, une organisation Moki événement. Retrouvez-moi également mardi 31 mars pour les nouvelles soirées Barrio Mio au Palais de la Major des soirées SBK, encore une organisation Moki événement. Quant à nous, on se quitte en musique avec une nouveauté 2015, c'est Yandy avec Tous In Me. Suivra une Senba Neuza avec Ray Hader pour Mon Manuelito. C'était DJ Roulian sur Aircom FM. Tu es dans le 97.6. On se retrouve dimanche prochain de 16h à 18h dans Fiesta Latina. Je rends l'antenne à vous les studios. Es terrible predecir que te vas y no sabes el dolor que has dejado junto en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. Oh no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Y ahora estás tú sin mí. De que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Suena, yeah. Una guitarra 100% mexicana. No comprendo, puedo ver que el amor que un día yo te di no ha llenado tu interior y es por eso que te vas alejándote de mí y sin mirar atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó que no nos servía ya la locura de este amor. Que un día sí se fue y nunca más volvió, ya no volvió. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Y ahora estás tú sin mí. Que un día tú fueras solamente para mí o para mí. ¿Por qué te vas, pues? De todo corazón quiero que regreses. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago? De que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago? un día tú fueras solamente para mí. Jendy, thank you for listening to my first chapter. Gracias por escuchar mi primer capítulo. Un proyecto hecho con mucho amor y mucho cariño para mi público, para los que no son y para los que ya son. Saludos a la gerencia, Luis del Villar, mis amigos, Chanel, I got you. Radio Culture Outre-mer, le meilleur du zouk. Que un día tú fueras solamente para mí o para mí.